Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce lundi 24 janvier 2022, dont voici les titres. Un grand incendie a ravagé ce matin la galerie Mandela située au boulevard de Luprona en mairie de Bujumbura. Bien que la police ait maîtrisé le feu, les dégâts causés par cet incendie ne sont toujours pas connus. Les moyens financiers insuffisants, de même que le matériel, sont les défis auxquels fait face le ministère ayant la communication dans ses attributions. Et c'est pour la mise en exécution de son plan d'action semestriel. Vous le suivrez dans ce journal. Et en province, le manque de bons pupitres à l'école fondamentale Murengeza 2 en province Bubanza fait que certains écoliers s'assoient par terre. La direction provinciale de l'éducation dans cette province donne une explication. Voilà pour l'essentiel de ce journal est présenté par Aïssa Liliane Inamahoro et mise en onde par Eddie Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Le manque de moyens financiers et matériels sont des défis qu'a rencontré le ministère ayant la communication dans ses attributions pour la mise en exécution de son plan d'action semestriel. Déclaration du ministre en charge de la communication lors de la présentation des réalisations semestrielles du 10 ministère pour l'exercice 2021-2022. Léocadie Ndachaïsaba ajoute que la loi régissant la presse au Burundi, révisée, est en cours de préparation. Je vous invite à la suivre. La loi régissant la presse a été une préoccupation du ministère et des consultations entre les partenaires dans le secteur ont eu lieu pour proposer des modifications à apporter à la loi de la presse car celle qui régit la presse aujourd'hui se révèle lacunaire compte tenu des mutations que ce domaine ne cesse de subir. Les experts sont en train de produire un draft de projet de loi qui sera soumis aux partenaires du secteur avant d'être envoyé au niveau hiérarchique pour analyse et adoption. L'Office national des télécommunications, ONATEL, a retenu l'attention du ministère durant ce premier semestre. En effet, l'ONATEL connaît des difficultés de fonctionnement depuis quelques années et sa redynamisation préoccupe le ministère de tutelle. Ainsi, des actions de tentative de redressement ont été entreprises par le ministère. Une note sur la redynamisation de l'ONATEL a été produite et envoyée au gouvernement pour analyse et lors du Conseil des ministres. Cette note a été adoptée et une commission mixte a été mise en place pour définir une feuille de route de mise en œuvre du contenu de la note et des recommandations formulées par le Conseil des ministres. Les défis n'ont pas manqué. Il s'agit essentiellement du manque de moyens de déplacement pour les médias appelés à se déployer sur le terrain pour couvrir les activités des institutions. L'autre défi majeur est la non-disponibilité à temps des moyens financiers provenant du ministère des Finances, ce qui handicape les réalisations des missions assignées au ministère. Cette actualité en bref, les enseignants de l'école pluridisciplinaire de la fraternité 6 au quartier Kigobe n'ont pas vaqué ce lundi à leurs activités. Ils avancent qu'ils se joignent à leurs collègues, en même temps actionnaires à cette école dont les contrats ont été arbitrairement résiliés par la représentation légale de cette dernière. Et selon toujours ces enseignants, Egide Djedjimana, le représentant légal de l'EPF, qualifie ce mouvement de grève illégal. Il explique que ceux qui ont été licenciés ont été victimes de leurs actes. Vous aurez les détails de cette information dans nos éditions ultérieures. Et parlons toujours éducation. L'école fondamentale Murengeza 2 de la commune Manda en province Bubanza enregistre des effectifs élevés d'élèves dans les classes et surtout les classes de première et deuxième année où 3 à 5 élèves partagent un banc pupitre et certains écoliers s'assoient même par terre. Ce surnombre est à l'origine de la création des groupes pédagogiques selon le directeur de cet établissement scolaire. À la direction provinciale de l'éducation à Bubanza 1, on explique cette situation par les bancs pupitres de la première année qui sont parfois déplacés vers la neuvième lors des passations de tests. Le point avec Moïse Misago. Cet établissement scolaire compte plus de 860 écoliers. Le pléthore dans les classes observé plus dans les classes de première année et deuxième année selon les enseignants. 3 à 5 élèves partagent un banc pupitre, ce qui entrave la prise des notes chez les élèves. Des fois, ils s'assoient par terre. Sinzoba Tungana François enseigne en première année. parce qu'on donne aux élèves les exercices, bien les notes à prendre dans leur cahier. Ça me gêne parce que, étant assis ensemble sur un bas pupitre, étant 5, ça devient très grave pour eux au moment où je leur demande de prendre les notes. Le directeur de cette école trouve que les effectifs ne sont pas alarmants. Pour trouver une solution à ce problème, des groupes pédagogiques ont été créés, explique Désiré Nimirangeza, directeur de l'école fondamentale Murengeza 2. En fait, dans les classes, les effectifs pléthoriques ne sont pas beaucoup observés parce qu'il y a un soulagement des effectifs par le moyen d'avoir engagé les enseignants bénévoles. À la direction provinciale de l'éducation à Boubanza, l'on indique que beaucoup d'écoles de cette province enregistrent un effectif élevé d'écoliers. Claude Badougaritse explique cette situation par des bancs pupitres des classes de la première année qui sont déplacés par les élèves de la 9e année lors des évaluations. À l'Ecofo Murengeza 2, il y a quand même un manque, mais pas énormément par rapport aux autres écoles de la direction provinciale de Boubanza. Les écoliers s'assoient par terre du fait que certains élèves des classes de 9e. Lorsque l'enseignant donne une évaluation, il privilégie que l'élève donc fait lui-même son évaluation. C'est-à-dire qu'il y a le déplacement des bancs pupitres de la première année à la 9e année. L'école fondamentale Murengeza 2 évolue dans le système des cantines scolaires, mais qui n'est pas fonctionné depuis la fin de l'année passée, selon le responsable de cet établissement scolaire. Merci Moïse Misago pour ce reportage. Une petite transition du côté de la technique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tout au début de ce journal, plusieurs magasins de la galerie Mandela, situés au boulevard de Luprona, sont partis en fumée le matin de ce lundi. C'était lors d'un incendie qui s'est déclaré dans l'un de ces magasins vers 7h40. Et selon l'un des propriétaires des magasins, l'origine de l'incendie est l'un des occupants qui a voulu activer son appareil Cash Power, puis l'appareil a explosé peu après le point avec Aubin Nyonguru. C'était vers 8h05 que deux véhicules anti-incendie sont arrivés à la galerie Mandela. Elle est située au boulevard de Luprona, aux anciens bureaux de la police de l'air et des frontières, PAF. Ces véhicules anti-incendie ont au début eu des difficultés à se trouver une voie pour accéder au magasin qui prenait feu. Les policiers ont parvenu à se frayer le chemin avec des tuyaux, mais certains magasins étaient déjà partis en fumée. L'un des locataires de cette galerie dit que l'origine de l'incendie est l'appareil Cash Power qui a explosé. Il y a un responsable de l'atelier de couture ici. Et il avait ce Cash Power qui gérait la gestion de leur compte. Il est allé pointer sur le Cash Power pour être alimenté. Et après, je crois que le fusible a sauté. Et la flamme a commencé à briser. Bien que tous les dégâts n'ont pas été inventoriés, il estime que le coût est énorme. Le coût de dégâts sera énorme parce qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Et notamment, vous savez, la galerie, il y a de l'atelier de couture, il y a la poissonnerie, il y a des frigos, et il y a des salles de coiffure. Tout ça, ils utilisent des matériaux qui coûtent cher. Le président de la plateforme nationale de prévention et de la gestion des catastrophes, le général de brigade Anissé Nibaruta, demande à ceux qui érigent des maisons de toujours laisser des pistes de secours. Et aux propriétaires des galeries, tout comme à toute la population qui exerce des activités pareilles, nous demandons de laisser un passage pour les camions anti-incendie. Si vous regardez l'entrée de cette place, vous constatez que le camion n'a pas pu entrer. Heureusement qu'on a eu des cordes qui arrivent loin. Donc le passage des camions est obligatoire. Deuxième chose, c'est que les gens qui exercent des activités commerciales devraient s'engager auprès des maisons d'assurance pour que les produits commerciaux soient assurés. Et nous demandons à la population de laisser le passage aux camions dès que ces camions demandent le passage pour aller exercer l'exercice de secours. Ils demandent aussi à la régie des eaux de faire le suivi de leurs installations dans les bâtiments. 13h passées de 7 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, page politique à présent. Le parti Côte des Bourgs s'indigne contre la gestion des subventions de l'État destinées aux partis de l'opposition extra-parlementaire depuis 2012. Ce parti l'a évoqué ce samedi, deux semaines après que l'ancien responsable de l'opposition extra-parlementaire ait dit que si l'État n'accorde pas des appuis financiers aux partis politiques, il risque de s'effacer. Jacques Wigiliman a contacté par notre rédaction, s'est gardé de tout commentaire, tandis qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, l'on informe que ces fonds était destinée aux porte-parole de l'opposition extra-parlementaire Eleni Bel Nibigira. Selon des opposants extra-parlementaires, ces fonds ont été débloqués par l'État. Kefani Widi, président du parti Côte des Bourgs, est l'un de ses opposants. C'était dans une conférence de presse de ce samedi. Cet homme politique est là qui a dit ça. Il dirigeait ce qu'on appelle une opposition extra-parlementaire et il recevait les subventions de l'État que souvent il utilisait seul parce que cette opposition n'existait pas. Alors quand on a suspendu à partir de 2021 ces subventions, c'est vrai que lui, il voit que tout est terminé, mais pour nous, nous sommes habitués de vivre avec nos propres moyens. Ces propos de l'ancien responsable de l'opposition parlementaire que reprend Kefani Widi ont été tenus par Jacques Wigiliman il y a deux semaines que si l'État n'intervient pas financièrement, des partis politiques s'effaceront pour céder le terrain aux partis au pouvoir. J'ai constaté que lors des élections dernières, les partis politiques n'ont pas pu poursuivre les élections jusqu'au bout parce qu'ils ne pouvaient pas. Les partis peuvent se mettre ensemble pour se coaliser afin de pouvoir essayer de faire face à cette situation tragique. Même s'ils se mettent ensemble, 0+0=0. Ils ne peuvent aboutir à aucune chose. Contacté par la radio Isanganiro à ce propos, Jacques Wigiliman s'est gardé de tout commentaire. Au niveau du ministère de l'Intérieur, même si l'on n'a pas encore fourni plus de précisions, le porte-parole du dit ministère affirme que ce budget était accordé à, je cite, « porte-parole de l'opposition extra-parlementaire », fin de citation. Merci Eleni Bel Nibigira. Chronique sport à présent. 6 équipes de la police nationale participent dans les championnats organisés par les fédérations sportives auxquelles elles sont membres. Colonel Kassien Kaboura, responsable des sports au sein de la police nationale, fait savoir que les équipes classées premières dans ces compétitions reçoivent des trophées et représentent le Burundi dans les compétitions africaines de la police. Les détails avec Marie-Claire Kadzeneza. Au sein de la police nationale, les compétitions sont organisées en 6 disciplines qui sont affiliées dans les fédérations et associations sportives se trouvant sur le sol burundais. Propos du colonel Kassien Kaboura, responsable des sports au sein de cette institution policière. Au sein de la police nationale, le sport s'organise en 6 disciplines selon les disciplines suivantes. Nous avons le volleyball, nous avons le football, nous avons le judo, nous avons le karaté, nous avons le handball. Nous avons le taekwondo, c'est-à-dire 6 équipes. 6 équipes, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Demain, on peut ajouter une autre discipline selon les résultats de la détection des talents, les disponibilités du personnel qu'on pourrait former. Il précise que ces équipes policières affichent plus souvent des résultats appréciables dans les différents championnats. Ces équipes s'affrontent et ont des résultats bien appréciables. Nous disons ici qu'au volleyball, nous occupons la première place ou la deuxième. Au football, on a joué de par le passé, les demi-finales, tout ça. Au judo, c'est la première équipe de la fédération. Il y a même 3 ans, cette équipe également est la première au niveau de l'IAC. Au karaté, nous occupons la première place pour ce championnat passé. Au handball, nous occupons la 3e place pour ce championnat passé. Au taekwondo, nous avons la 1e place pour le championnat qui vient de s'écouler. Donc, les équipes sont bien classées dans les disciplines où elles sont engagées. Selon ce responsable des sports au sein de la police nationale, les équipes classées premières reçoivent des trophées et représentent le Burundi dans les compétitions régionales de la police. Quand une équipe est la première, elle reçoit des trophées. Ces trophées peuvent être des coupes ou des ballons. Parfois même, pour certaines disciplines, on peut avoir des maillots. Ça, c'est le premier bénéfice. Au niveau international, les premières équipes du championnat participent annuellement aux compétitions Afrique, au niveau Afrique, pour les clubs champions dans leur pays. Et l'avantage également, c'est que les joueurs des meilleures équipes sont sélectionnés en équipe nationale, ce qui donne l'engouement d'être toujours premier. Dans la prochaine chronique sportive, colonel Cassien Kaboura expliquera les défis auxquels font face les équipes sportives de la police nationale du Burundi, ainsi que les recommandations pour promouvoir les sports au sein de cette institution policière. Merci Marie-Claire Kadzeneza. Certains habitants de la colline Wuburu, en commune Bisoro de la province Mwaro, se disent satisfaits du travail de multiplication des semences d'une femme connue sous le nom de Nkurunziza Jeanne. Ils déclarent bénéficier du boulot et une formation sur l'agriculture moderne. Nous y reviendrons plus tard. Dans quelques instants, l'actualité internationale. Actualité internationale. En Afrique, au Burkina Faso exactement, le président ROC Marc Christian Kabore aurait été arrêté selon plusieurs sources au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays. C'est la confusion dans ce pays où le président ROC Marc Christian aurait été arrêté selon plusieurs sources, rapporte le correspondant de RFI, et une source sécuritaire parle d'un coup d'État. Des annonces qui surviennent après une série de mutineries dans plusieurs casernes de ce pays. Les mutins demandent au gouvernement plus de moyens pour lutter contre le terrorisme ainsi que des changements au sein de l'état-major. Une déclaration est attendue dans les heures qui viennent. Point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais permettez-moi de vous faire un rapide rappel. Un grand incendie a ravagé ce matin la galerie Mandela située au boulevard de Luprona en mairie de Bujumbura. Les dégâts causés par cet incendie ne sont toujours pas connus. Des moyens financiers insuffisants, de même que le matériel, sont les défis auxquels fait face le ministère ayant la communication dans ses attributions pour la mise en exécution de son plan d'action semestriel. Et vous l'avez entendu qu'en province Bubanza 1, il y a le manque de bancs pupitres à l'école fondamentale Murengeza 2 dans cette province. Voilà pour le journal d'aujourd'hui. Au micro, vous étiez avec Raissa Liliane Inamahoro. Merci à la technique Elia Kadogo. Merci pour sa parfaite collaboration. Très bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. Au revoir.